Welcome! Bienvenida! Degemer Mat! Boas-vindas! L'ardoise, culture et gastronomie tous les vendredis sur le 94 MHz chez Canal B. Eh bien, bonjour à tous. Ça y est, nous sommes à l'antenne de 94 MHz pour une émission l'ardoise décalée en horaire d'été de 13h à 14h au lieu de midi 13h comme d'habitude. Ça va reprendre ça à la rentrée, hein. Je vous jure. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, une ardoise tout à fait particulière. On a attendu celle-ci. Eh oui, on l'a attendu. On a annoncé tellement dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, parce que, eh bien, je suis entourée d'invités qui sont sur la toile. Il faut le dire quand même, sur Facebook notamment, très actifs, entre autres. Et puis, ils sont là pour nous parler d'un sujet, on va dire, un peu d'actualité, mais malgré eux, ou alors pas du tout malgré eux, on va le savoir au fur et à mesure de cette émission. En tout cas, ils sont trois autour de la table devant une pizza vachement mais merveilleuse, qu'on a déjà envie de goûter, puisque ça va être le menu de cette ardoise ce midi, concocté donc par Thierry Berton. Bonjour Thierry. Bonjour Juliana. Venu avec son commis de cuisine, Julie. Voilà, mon bras droit. Ton bras droit. Julie, bonjour. Bonjour. Il s'agit d'une pizza un peu, enfin, il faut le dire déjà, tu es le chef à domicile, le toqué à la maison. Je ne sais pas si la pizza fait partie des menus auxquels les gens font appel pour avoir un chef à la maison. Non, pas vraiment. Non, hein. Pas du tout. Moi, je suis vraiment côté gastro. Mais là, quand tu m'as donné le thème radio, bière, foot, pizza, j'avoue, le toqué, il est un peu craqué. Je suis parti. Je me suis dit, allez, j'imagine la pizza de la finale. Bon, malheureusement, je partais plus sur un truc ananas, mangue. Ouais, plus coloré, tu vois, ensoleillé. Ouais. Et puis finalement, c'est très rouge, très noir, très Allemagne. Je m'attendais plus à une finale européenne, Allemagne, Pays-Bas et Argentine. Ça, j'avoue que c'est une belle finale aussi, mais ça m'a moins aidé enchanté au niveau créativité pour une pizza. Oh, c'est bien, parce qu'on est tous déçus comme ça, ça le va. Bah oui, ça voilà, fait. Tu vois, hein, bah, ouais. On a tous eu le même dégoût quelque voilà. part. Ouais. Battu par le même adversaire, mais non, bah, donc là, j'ai trippé un petit peu, j'ai fait une pizza bien garnie avec des petits clins d'œil sur les deux pays. Donc, bah, si tu veux, tu me dis, je te détaille un peu tout ça. Ouais, mais, tu vas le détailler ouais. dans quelques minutes. En fait, je voulais dire un mot parce qu'en fait, évidemment, vous avez entendu les auditeurs de Canal B. Il s'agit de foot un peu, tout de même, puisque Coupe du Monde oblige. J'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Hollywood Plomodienne, excuse-moi, j'ai toujours de mal à dire ce mot, de Stéphane Grangier, un livre qui est paru donc, aux éditions Goater, plutôt dans la catégorie noire, du une coup, collection c'est ça, hein Goater noire. Voilà, collection. Ah, super, on va parler de ça. Donc Stéphane, qui vous entendez là, bonjour. Bonjour. Super, bonjour, ce n'est pas la première fois que nous non, sommes ensemble. Non, j'étais déjà venu une ou deux fois, je crois, j'étais venu avec David Cara de Calibre 35, j'étais venu avant pour mon premier bouquin aussi, il y a quelques années. Ouais, carrément, c'était chouette. Et donc aujourd'hui, oui, on va parler de celui-ci qui est le tout dernier, aux couleurs d'ailleurs, j'avoue, un peu de l'Argentine quand même. Carrément même. Hein. Quand même, faut dire. Pas voulu, c'est une merveilleuse couverture de Morvandio, du dessinateur Morvandio, en linogravure, je crois. Il a fait pour la collection Goater Noir, donc c'est lui qui a fait les visuels. Ouais, l'ancien donc, patron de Périscopage, on l'adore évidemment, on l'a reçu aussi de nombreuses fois ici à l'antenne de Canal B, c'est un habitué. Eh bien, voilà, c'est un livre qui parle. Alors, le sujet principal du livre se niche un petit peu ailleurs, mais tout de même, ça parle énormément de foot. Ben, ça parle de foot parce qu'un des personnages est un joueur de foot. Contrairement à ce qu'on voit généralement des joueurs de foot, c'est le jeu sur le terrain, le but en finale de Coupe du Monde ou en demi-finale. Là, j'ai plutôt récupéré un personnage comme ça, mais je voulais qu'il soit décalé, quoi. Je voulais qu'il soit un petit peu hors de sa structure, de son mode de fonctionnement, donc il lui arrive pas mal de choses, Des choses sur la tête, et, ouais. et, donc il en est un peu perdu ouais. à cause de ça. Donc. Oui, des choses qu'on va plus ou moins dévoiler, parce oui. qu'on va donner envie peut-être, tout comme moi j'ai pris plaisir à lire ce bouquin, on va essayer de vous donner envie pour que vous aussi vous tentez l'expérience, c'est-à-dire que voilà, c'est pas l'objet principal, mais le foot revient tout de même de façon assez récurrente, par-ci, par-là, ça parsème le bouquin jusqu'à la fin. Puisqu'on termine quand même sur un score. Faut le dire, je ne dirai pas plus, je suis allée déjà trop loin. Mais en tout cas, voilà, cette ardoise, ces bières, foot et évidemment pizza avec Thierry Berton, avec Stéphane Grangier et avec la délicieuse petite Julie qui a 5 ans. Nous sommes ici à l'antenne de Canal B. On va vous passer un petit morceau de musique, on revient dans un instant. Neutra e de repente a gente poderá realce, realce. Quanto mais purpurina, melhor. Realce, realce. Com a cor do veludo, com amor, com tudo de real. A fé para o afeto é fogo e o modo do fogo é quente. De repente a gente queimará. Realce, realce. Quanto mais parafina, melhor. Realce, realce. Com a cor do veludo, com o amor, com tudo de real. Sensação do brilho, de repente a gente brilhará. Realce, realce. Quanto mais serpentina, melhor. Realce, realce. Com a cor do veludo, com amor, com tudo de real. Yeah. une bonne petite musique brésilienne pour démarrer cette émission, évidemment brésilienne. Tiens donc, pourquoi pas. L'ardoise, donc nous sommes ensemble ici à l'antenne de Canal B jusqu'à 14h. Et aujourd'hui, il est question de manger des pizzas, de boire de la bière, de parler un petit peu. Allez, c'est pas le sujet principal, mais parler de foot quand même. Coupe du Monde oblige. On arrive bientôt donc au final avec évidemment l'Argentine et l'Allemagne. Pour ceux qui ont bien suivi le truc, c'est peut-être pas vraiment la tasse de thé de tous les auditeurs de Canal B, bien entendu. Je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais enfin, je pense qu'on va me chambrer quand même avant 14h à l'antenne, puisque le Brésil s'est pris 7 buts dans la figure par le géant de l'Allemagne. Ouais, voilà. Enfin bref, ça m'a donné quand même envie, et là j'ai envie de vous dire, je suis quand même courageuse de faire cette émission, portée sur le foot. Pourquoi? Parce que au lieu de Plomordienne, c'est le livre de Stéphane Grangier, et un des protagonistes principaux de ce bouquin, eh bien, est les joueurs de foot. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un attaquant de Stade Rennais. Il s'appelle donc Yannick Lester. Voilà. Stéphane va parler mieux que moi, évidemment. Et il est en train de conduire sa Porsche. Et là, il y a un truc, un événement qui arrive comme ça. Il est heureux, il faut le dire. En plus, heureux, pas être heureux. Hein. Heureux, la localité, en fait, sur la route de l'Orient. Et là, il y a un autre type, Michael, qui est sur son abri de bus. D'ailleurs, Michael qui aime bien être appelé de Michael, puisque ça fait plus américain. Et lui, c'est un SDF qui voit la scène, une scène catastrophique. C'est simplement que ce joueur de foot rentre souvent les joueurs de foot maintenant de haut niveau, ils tournent dans des publicités, donc là, il sort d'une publicité un petit peu énervée, ça a pas marché comme il voulait, il lui arrive pas mal de problèmes, je crois qu'il y a sa femme qui veut rompre, le club, ça va pas du tout. Alors il se retrouve un peu énervé avec sa voiture, il prend sa voiture, sa Porsche, il veut pas prendre la... Il roule très vite, un peu trop vite, déjà avec une Porsche, mais on roule pas à deux à l'heure, donc il roule assez vite. Et il se retrouve sur une petite route de campagne, donc il passe par le Reux, et son chemin, sa route va rencontrer celle d'un randonneur, d'un retraité qui randonne, comme beaucoup de retraités qui randonnent le week-end, et d'ailleurs, pas dans l'après-midi, tranquillement, au bord de route. Randonneur. Il va un peu louper le virage, et il va un peu lui rentrer dedans, quoi. Ouais. Le personnage va un peu voler, va partir je sais pas comment appeler ça, donc il va tomber un peu, il va perdre connaissance. Ouais, il va perdre connaissance. Sur le moment, ils vont croire qu'en fait, il va être abattu, parce qu'il va se rendre compte de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas vu. Et à quelques 200 mètres de là, sous un abribus, le dernier abribus autour de la ceinture de Rennes, un SDF qui arrive là, parce qu'il faut bien aller quelque part. Quelquefois, on va loin de la ville, justement, on la fuit un petit peu pour trouver un peu un endroit pour être, quoi. Mmh. Et va entendre ce bruit, il va aller voir, et puis il va mettre le corps du randonneur dans le coffre. Alors les deux personnages vont vivre ensemble. Vont essayer de vivre ensemble. C'est une aventure. Vous entendez des sons derrière. C'est Thierry Berton, le chef à domicile, qui est en train de nous couper la pizza. On va parler de ça dans un instant. Donc en fait, pour continuer un peu sur le début de cette histoire qui m'a beaucoup plu, dans le sens où déjà 100% bretonne. Ça se passe, cette aventure, elle se déplace, elle se mouvoit en Bretagne. On reçoit des coups de fil, il s'agit de manager, le garçon quand même, il est attaquant de Stade Rennais, donc il apprend des choses. Il y a sa femme qui à un moment aussi apparaît, la maman, etc. Donc beaucoup de personnages, mais ça se passe fondamentalement en Bretagne. Donc déjà d'une part, et Stéphane, c'est un peu ta marque de fabrique tout de même de travailler le local. Je sais pas si c'est ma marque de fabrique, mais j'avais entretenu une correspondance il y a quelques années avec un auteur qui s'appelait Laurent Fétis, le roman noir, et je lui avais envoyé une nouvelle, ça se passait à New York, dans un endroit bien glauque, il m'avait dit c'est bien, mais parle plutôt de ce que tu connais, de ce qui t'est proche, voilà, donc je pense que j'ai un petit peu... Du coup, je me suis dit, mais utiliser en fait ce qu'on connaît, les autres nouvelles que j'avais fait précédemment dans un recueil Droit vers le soleil, se passaient aussi en Bretagne, dans des lieux où j'ai vécu, où je suis passé, tout ça. Donc on s'imprègne beaucoup plus aussi de l'atmosphère, des personnages, tout ça, je préfère. Oui, d'ailleurs, tu fais partie évidemment de ce groupe d'auteurs de Calibre 35, le collectif. Eh bien, vous faites du polar, quoi. Oui, c'est une appellation générale, ou du roman noir, ou ça peut être du thriller pour certains, ça peut être ou du plus trash pour d'autres. D'autres, ça va être purement du roman policier à enquête, donc c'est assez large. Alors du coup, justement, au lieu de Plomordienne, qui est donc paru aux éditions Goater Noir, qui est une collection bien spécifique, tu le classerais plutôt où dans cette grande étendue? Je crois que j'ai fait un polar, effectivement, mais virant road movie, parce que j'avais envie de, j'avais envie que les personnages partent aussi. J'aime bien le côté improbable du road movie, ce qu'on découvre quelquefois, qu'on peut le découvrir en écrivant soi-même, quoi, en partant justement sur les, on part sur les chemins, mais en fait l'imagination nous amène aussi sur d'autres chemins. Et j'aime bien explorer ça. J'aimais bien certains auteurs comme Frédéric Dard, ou, qui justement partait d'une description, en fait il quittait le roman, mais c'était bidonnant, quoi. Ça me plaisait bien, pour revenir toujours à la structure qui est celle du polar ou du roman noir, quoi. Alors ce livre, il est paru vraiment à quel moment? Alors il est paru en avril, en avril 2014, cette année, ouais, cette année. Mois et trois mois. Voilà. À l'occasion, en fait, il est de Rue des Livres, de Mine de Polar. La collection Goater Noir, en fait, existe depuis septembre. Celui qui a inauguré, en fait, la collection, c'est Frédéric Paulin, donc le président, le grand gourou de Calibre 35. De son livre qui vient d'avoir d'ailleurs le prix produit en Bretagne pour La Grande Peur du Petit Blanc. Et trois livres donc sont sortis en avril. Donc il y a Hollywood Plomodien, donc le mien, il y a Yves Tanguy, Krieg. Pour moi, c'est avec Krieg, il va aimer. Krieg et Corbanote de Leonard Taokao. Alors voilà, donc du coup, je te demande tout ça parce que le Goater Noir, c'est une maison d'édition. Alors, Goater, c'est une maison d'édition, voilà. Mais c'est une collection qu'il a montée. Et les premiers livres qui sont sortis de Goater Noir sont ces quatre-là. Eh bien, j'adore parce que. Alors, j'ai lu ton livre, donc on était en train de parler hors antenne. Il y a des choses qui m'ont fait un petit peu penser à mon auteur préféré, enfin, de prédilection ici en France, qui est Jean-Paul Dubois, c'est-à-dire le côté un peu décalé, un peu les rebondissements. Certes, ce n'est pas la même écriture et ce n'est pas forcément les mêmes fondements, mais ça m'a fait comme ça gentiment imaginer des choses que j'aurais pu lire ailleurs, notamment le côté un peu noir dans son dernier roman à lui, mais je n'ai pas envie de faire de comparatif. Ce n'est pas ça, c'est juste pour dire qu'il avait un côté plaisant pour moi là-dessus. D'accord. Je sais également qu'il y a eu une petite critique qui a paru cette semaine de la part de Place Publique. Oui. Bravo, oui, bravo, merci, tout de même. Merci. Peu importe ce qu'ils écrivent déjà. J'ai eu des très bons retours jusque-là, donc, et des bons articles, et des très très bons retours. Bah ouais, donc le dernier en date, d'ailleurs je salue mon confrère Xavier de Bontride, qui est le rédacteur en chef de Place Publique, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et effectivement, dans ces quelques lignes qu'ils ont parlé, enfin qu'ils ont explicité le Hollywood Diplôme d'Hierne, eh bien ils ont dit, ils ont touché quand même au côté un peu super décalé déjà, mais aussi parfois dans un langage un peu, tu un vois, peu cru, quoi, cru un peu. Ça aussi, ça alors, fait un peu partie de ton univers. Oui, mais justement, en fait, quelque part, bizarrement, ça m'a fait un peu plaisir. Je sais qu'il y avait cette phrase qui était une grossièreté propre à l'époque, je me suis dit que quelque part, je colle avec l'époque. voilà, après, si c'est de la grossièreté ou des vins, quoi, ou c'est... ça m'intéresse pas, mais c'était surtout qu'un personnage qu'un joueur de foot a quelquefois pas un langage non plus très élaboré. Je crois que le champion, c'est quelquefois Ribéry, Franck Ribéry, qui est avec sa roue qui tourne, qui tourne. Donc ils ont souvent quelques mots, et quelquefois c'est grossier, c'est surtout quelqu'un qui est à la rue, pas forcément non plus un langage super châtié non plus. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc j'aime bien les mettre dans un. C'est plutôt un environnement naturel, quoi, une façon de parler un peu naturelle. Et surtout brut du fait qu'ils vivent des choses un petit peu assez tordues, assez rudes aussi, quoi. Bon, et d'ailleurs, nous allons continuer de parler de cette histoire, bien entendu, mais un petit truc, il y a un peu de cliché là-dedans, forcément. Forcément, enfin, quand on parlait hors antenne pour toi, ça faisait forcément justement le joueur de foot Là, il y a un premier, c'est-à-dire il n'a pas forcément la lumière tous les étages pour avoir un langage vraiment châtié. Eh bien, il y a le fait qu'elle conduise une Porsche. Oui, mais c'est souvent... Alors, je n'en ai pas vu beaucoup rouler en R5. Je ne crois pas. C'est vrai que les reportages, ce qu'on voit à la télévision de joueurs de foot qui sortent de centres d'entraînement, souvent des grosses... Quand ce n'est pas des Ferrari, ou des, c'est souvent des grosses bagnoles. Quoi. Donc, alors, ils ont peut-être un côté flamby aussi, comme ça, je sais que quelques-uns l'ont, sans doute d'autres non, quoi. Mais là, c'est vrai que j'ai poussé un petit peu aux extrêmes. Je voulais vraiment le c'était quand même le parvenu, quoi. C'est quand même un mec qui a l'impression d'être arrivé ou autre. Alors, en vérité, il n'est pas en haut de mais sa carrière. Mais non, justement, c'est ce qu'on apprend. Il loupe la marche du haut de sa carrière, justement. Ouais, ouais. Ce qu'il est, en fait, c'est plutôt un joueur qui devait, qui promettait énormément. Mm-hmm. Comme souvent, ils ont 19 ans, 18, 17, 19 ans, 20 ans, ils arrivent au top, ils sont des sélections d'équipe de France, en machin, en truc. Et en fait, il arrive, il a 28, 29 ans, il est toujours avec sa Porsche, enfin, il a racheté une nouvelle Porsche, tout. Mais ouais. En fait, ça. Tout cède un petit peu autour de lui, quoi. Sa vie amoureuse avec sa femme. Ouais, bah voilà, une chieuse. Une vraie chieuse vénale. Elle est pas simple. Non, plus. Non. Une femme de footballeur, quoi. Un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu, quelquefois, l'image. Ça correspond le un cliché, peu au cliché. Je m'en rappelle la Coupe du Monde 98 avec les femmes de joueurs qui se sont collées sur les joueurs. Enfin, il y avait tout un espèce de truc un peu bizarre comme ça. Est-ce que le foot est un environnement que te plaît, quoi? Enfin, je vais dire, pourquoi tu es allé naturellement j'aime sur... J'aime le foot, j'aime le jeu, j'ai joué au foot plus jeune, j'ai même été gardien de but du Morbihan, minime, dans un petit club qui s'appelait Landévent, donc je jouais contre des gars de Brest et tout ça. Mais j'ai toujours aimé le foot, quoi. Après, je ne suis pas non plus un fou, un aficionado, je ne suis pas dupe, quoi. Je crois que je ne suis pas dupe, quoi. Tu n'as pas suivi la Coupe du Monde, alors? Si, j'ai suivi la Coupe du Monde, mais je suis pas trop dupe. Bah, surtout ce qui se passe au Brésil, par exemple. On voit ce que disait Platini. On va arrêter un petit peu vos machins sociaux le temps de la Coupe du Monde. J'imagine que s'il y a des gens qui crèvent de faim, entendre ça, ils vont pas manger des ballons de foot. Donc, je suis pas trop dupe non plus d'un espèce d'énorme système de qui occulte tout, quoi. Le foot business. Prend la place de tout et. Et où plus rien ne se passe, où il ne doit y avoir que ça, quoi. Alors on se dit qu'il y a peut-être des investisseurs derrière, des publicitaires, des machins qui poussent, et c'est tout un... Après, ça se joue aussi sur le plaisir des gens, parce qu'il y a un plaisir à regarder un match de foot. On peut le constater, à vu les nombreux, à chaque fois, plus de dizaines de milliers de spectateurs dans les stades, ça relève tout de même, en plus de ceux qui, évidemment, sont derrière leur poste de télé, moi j'en fais partie, évidemment. Alors, Thierry... Parlons peu, mais parlons surtout, parce que cette pizza, elle est vraiment exquise. Merci. Est-ce que tu as bien compris, enfin, le truc, moi, ça me fait très plaisir de partager ce plateau avec Stéphane Grangier, toi et ta petite bibiche magnifique, Julie, qui a 5 ans. Qui est sage, comme une image. Eh bien... La pizza, je me suis dit, tiens, peut-être que Thierry, il aura bien envie d'y aller là-dedans et tout ça. Et elle est juste merveilleuse. En tout cas, j'ai compris que tu as fait moite-moite et je suis en train de manger ce morceau-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, ouais, donc comme je te disais, moi, dès que tu m'as branché sur l'idée pizza-foot, je me suis dit, c'est bon, on atteint la finale, là, dimanche. Donc, j'ai attendu que les demi se terminent et je me suis dit, je vais faire une pizza... Coupe du Monde, représentatif de la finale. Donc il y a une moitié, c'est l'Allemagne. Donc l'Allemagne. Je suis en train de manger l'Allemagne. Voilà, j'ai mis des petits clichés. Voilà sur l'Allemagne, j'ai mis donc la saucisse de Francfort, typique donc allemande, charcuterie allemande. J'ai mis de l'edam, donc fromage de là-bas. Et je me suis dit voilà, je vais aller un peu plus loin, hein, toujours le côté toqué décalé. Et j'ai fait des petites préparations de choux parce qu'ils mangent énormément de choux rouges, choux blancs, choux verts. Chou de Bruxelles, etc. Enfin, tout ça. Et donc, j'ai fait deux petites déclinaisons. Donc, tu as un chou rouge qui a été cuit au beurre avec oignon rouge et déglacé au vinaigre de framboise, parce qu'il le prépare aussi comme ça là-bas. Une petite réduction, donc une belle couleur bordeaux mauve. J'ai fait du chou blanc avec un peu de vin blanc et du curcuma. Et tu remarqueras toujours le petit clin d'œil le rouge du chou rouge, le jaune du chou. Et j'ai mis des petites olives noires. Ça fait la couleur du drapeau d'Allemagne. Et un petit clin d'œil pour toi, j'ai mis 7 olives noires, comme les 7 pions que vous êtes pris contre le Brésil. Non, mais je confirme qu'elle est délicieuse. Ouais, c'est vrai. Ça me fait plaisir d'au moins manger la pizza. Voilà, j'ai pas mis trop de charcuterie allemande pour que t'aies pas trop de mal à la digestion, hein, parce que vous avez bien mangé déjà. Et pour l'Argentine, c'était plus difficile. Je me suis renseigné un tout petit peu. Ils mangent énormément de bœuf là-bas. Donc je me suis dit un peu, les pizzas qui se font maintenant avec la viande hachée de bœuf, donc j'en ai mis dessus, travaillé un petit peu, épicé, un peu esprit chili, avec pour couper avec ça un peu de mozzarella, et j'ai mis des petits dés de tomates dessus, des petites épices, voilà, quelque chose de coloré, et j'ai rajouté un petit peu de roquette au milieu, là j'ai fait une petite décoration avec les drapeaux de chaque pays, pour rappeler un peu le terrain, la verdure, tu vois, et puis aussi les roquettes que devront mettre les Argentins face au mur allemand, donc ça va, elle passe bien, elle est mangeable, je suis content de moi, donc c'est bien. Délicieux, et qui plus est, la pâte aussi est faite maison, la pâte est faite maison, tout est magnifique. Fait maison. Ouais. Mais ça c'est un chef, tu vois, un chef à domicile, et comment ça va d'ailleurs en ce moment? J'ai vu qu'hier il y a eu encore un cours de cuisine. Voilà, un petit cours particulier chez un client. Là je termine la saison des baptêmes et des communions, les week-ends. Donc là ça fait 6 semaines que les week-ends on n'arrête pas. Donc là ça se termine, ça se calme doucement. Quelques repas d'affaires encore et cours de cuisine à venir dans les semaines à venir. Et les vacances du Toquet à la fin du mois, ça va faire du bien, une petite coupure. Puis on va revenir fin août recharger à bloc et continuer donc... les prestations de chef à domicile, de cours, de repas, particuliers, entreprises, etc. Et donc, si on veut faire appel à toi, on peut y aller sur ton site internet. Voilà, www.toquetalamaison.fr, une page Facebook, par téléphone, 06 98 80 62 08, pour ceux qui n'ont pas, sont pas encore au courant. Et donc voilà, c'est bouche-oreille, meilleure publicité, faut pas hésiter à me contacter, je suis... à votre humble service. Eh bien, il faut savoir aussi que ce n'est pas aussi la première fois que tu viens ici à l'antenne de Canal B. Avant, tu habitais tout à côté, maintenant voilà. Tu es un peu plus loin finalement. Dans l'évolution, il y a aussi le jeu des toquets, des carnets. Oui, alors c'est quoi, je suis devenu addict et accro à Facebook, hein, bien... malheureusement ou heureusement. Il te reste de temps en faisant un métier aussi prenant. Voilà, tout à fait. Et tous les mois, là sauf août, mais tous les mois, je fais un petit jeu sur Facebook. Je suis pas mal suivi. Hein. J'ai un petit millier de personnes qui me suivent vraiment. Et tous les mois, je fais un petit jeu et j'ai ma petite main innocente là à ma gauche qui fait un tirage au sort, qui pioche les noms au hasard comme ça. Et je fais des petits cadeaux, des tabliers de cuisine, floquet-toquet ou des livres de cuisine, des petites choses comme ça. Et c'est vrai que c'est sympa et j'ai une bonne petite communauté que je salue. Hein, coucou tout le monde sur ma page Facebook perso ou pro. Donc sympa. Alors Julie, tu as 5 ans. Est-ce que tu comprends bien le métier de ton papa? Qu'est-ce qu'il fait? Raconte-moi. Au micro. Il cuisine chez les gens. Et il cuisine chez les gens. Et tu trouves ça comment? Bien. Eh bien, est-ce qu'il cuisine aussi chez toi? Oui. Ah, il sait comment quand il fait la cuisine à la maison? Je sais pas. T'aimes pas? Si, j'aime. Ah bon, t'aimes bien. Est-ce que c'est plus... est-ce que c'est meilleur que la cuisine de maman? Je sais pas. Ah, tu sais pas. T'aimes les deux, quoi. Tu vas quand même pas choisir. C'est dégueulasse ce que je demande, hein. Ah ouais, c'est pas terrible. Et toi, tu penses quoi en fait de ton papa qui va faire la cuisine comme ça chez les gens? Je pense que c'est bien, comme ça il pourra avoir plein de gens et plein d'amis. Bah c'est formidable. Ouais, elle a tout résumé, parce que c'est des échanges, des beaux, comme hier. C'est vrai que c'est bien. Ouais. J'ai été donner un cours à quelqu'un que je connais pas et ça s'est super bien passé, on a bien échangé, on a parlé de tout, de la vie, de la cuisine et puis super moment agréable. D'ailleurs s'il m'écoute, un petit coucou aussi, et puis ça me permet de rencontrer énormément de monde en réel et en virtuel, donc c'est vraiment très très sympa. Ouais. Alors on va balancer un morceau de musique, mais juste avant, pour cette merveilleuse pizza que tu nous as concoctée Thierry, dis-nous. Qu'est-ce que c'est cette bière qui l'accompagne? Alors voilà, tu m'as dit Radio Bière Foot. Ouais, hein, alors on va l'ouvrir et on va la goûter. Je suis parti, j'ai ramené, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est Drao. Drao, c'est Rosenmel qui est situé à Meules, à Savenau, qui fait depuis un an et demi, elle s'est lancée, elle est jeune, hein, une trentaine d'années, elle s'est lancée à faire de la bière artisanale bio. Donc elle fait de la blonde, lambrée et de la brune, et les trois sont terribles. Donc là, je vais vous faire goûter de la blonde. Donc Drao, c'est du galop, ça veut dire entrer dans la danse, faire la ronde. Donc c'est assez festif. Je voulais faire un petit coucou, j'en ai déjà parlé sur Facebook pour ceux qui me suivent. Elle est vraiment méritante parce que elle cultive son orge, elle fait sa bière, c'est énormément de boulot. Je vous conseille vraiment aux Rennais ou aux gens qui sont autour, me laisse, c'est pas loin, d'aller se déplacer, aller voir sa petite ferme brasserie comme elle l'appelle. Hein, son slogan, il parle pour elle, c'est du champ à la chope, donc ça veut tout dire. Donc Rosen qui fait une super bière. Donc je vais vous faire goûter la blonde que j'ai ramenée, bien fraîche là, avec le temps un peu lourd qu'on a en ce moment. Et avec ça la pizza, très agréable. Ça va être énorme. Et avec la pizza, ça va être terrible. Super, tu vas me la ramener cette jeune femme, hein, un de ces quatre. Il faudrait, ouais. Ouais, allez, un tour de musique et puis on va revenir dans quelques instants pour continuer de parler de Hollywood plomodienne et comprendre d'ailleurs pourquoi Hollywood. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso grande amor eu arranjar, não vou pra casa, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso grande amor eu arranjar, não vou pra casa, não vou, não vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar amor, aí então não vou pra casa, não, senhor, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso grande amor eu arranjar, não vou pra casa, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso grande amor eu arranjar, não vou pra casa, não vou, não vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar amor, aí então não vou pra casa, não, senhor, não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso grande amor eu arranjar, vou pra casa, não vou, não vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar amor, aí então não vou pra casa, não, senhor, não vou, não vou. Je suis encore en train de mâcher, moi. En train de mâcher cette délicieuse pizza de Thierry Berton. Donc, une pizza de Coupe du Monde, il faut le dire quand même. Finale Allemagne-Argentine dimanche prochain. Pour mon plus gros chagrin, il faut le dire, parce que la chose, elle est quand même compliquée pour un Brésilien de soutenir l'Argentine. Or, on a quand même envie que ce soit un pays d'Amérique du Sud qui remporte cette Coupe du Monde. Donc, c'est quand même très compliqué. Même la petite finale, hein. Hein, Brésil-Pays-Bas, ouais. ça va pas être simple. Hein. Bah ouais. Heureusement, il y a Stéphane Grangier-Galay qui a écrit un livre autour du foot et qui va me faire quand même glisser gentiment de cette humiliation. Change de sujet. C'était pas prémédité. C'est vrai que je l'ai pas vu venir non plus, la Coupe du Monde, j'y pensais pas. C'est la question que j'allais te poser, tu vois. Non, je me suis dit, on a un bouquin qui va sortir en 2014. Est-ce que finalement, on se fait guider un tout petit peu par... Peut-être qu'il y a un inconscient qui fonctionne ou suivre un peu le foot, regardant les équipes de temps en temps. Ouais, mais c'était surtout le personnage. Je voulais aborder justement, prendre un joueur de foot en sachant qu'ils sont élevés quelquefois à 12-13 ans dans des écoles de foot, à... Voilà, ça m'intéressait de le mettre là, mais peut-être inconsciemment, ouais, j'ai eu peut-être ce truc, mais c'était pas. J'ai pas calculé mon truc. Mais c'est, après, ouais. C'est arrivé. Quoi. Oui, c'est bah vrai ouais. Que la Coupe du Monde arrivait, ou peut-être que moi, ça m'habitait un petit peu et m'en bien. Inconsciemment, ouais. Donc, d'utiliser le jeu, de prendre un personnage comme joueur de. Enfin, joueur de foot comme personnage. Après, d'emblée, quand on lit Hollywood Plomordienne, on ne peut pas dire que le bouquin a un personnage tout de suite d'emblée et qui joue oui, au non, foot, quoi. Ouais, c'est rêvé, quoi. Alors, le titre, il vient d'une nouvelle que j'avais écrite il y a un petit bout de temps. Qui était resté comme ça en suspension, que j'ai pu retourner dedans, qui était un petit peu, je sais. Et c'est en écrivant ce livre que j'ai eu l'idée du titre. Mais revenu, je me suis dit, c'est ce titre-là. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a Hollywood, c'est peut-être parce que c'est le modèle un peu du road movie, quoi. Uh-huh. Je me rappelle plus ce bouquin qui est super, enfin le film qui avait été fait où Johnny Depp est avec deux trucs, ils se retrouvent à Las Vegas. Enfin, c'était le truc de Las Vegas Parano. Las Vegas Parano, ouais, ouais. Par exemple, uh-huh. Le truc de délire, de road movie où ça part comme ça. Donc il y avait cette connotation Hollywood d'absolu, de route, d'aller jusqu'au bout. On ne sait pas trop où on va, mais on y va, quoi. Plomodierne, c'est lié un petit peu à plus à mon enfance, quoi, parce que je suis né à Quimper, ma mère est de Camaret, c'est une fille de Camaret, comme dit la chanson. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, donc Plomodierne, on passait souvent par Plomodierne, quand on partait vers Brest ou quand on allait sur la presqu'île de Crozon. Et Plomodierne étant sur un petit peu la face ouest, en face de l'océan, sur le Menez Holm, un mont des monts d'arrêt. Qui voit toute la bête d'Ouarnenez et tout ça. Donc j'ai pensé aux panneaux d'Hollywood, je pensais à ce truc-là, qui était en face de l'ouest aussi, en face de la mer, du Pacifique. Ouais, c'est marrant. Ouais. Donc c'était un peu le. Voilà, ça c'est. Le titre s'est trouvé comme ça, quoi. Mais c'est marrant parce qu'à un moment donné, je ne veux pas dire totalement où, Michael, qui est le deuxième personnage principal de ce livre, parce qu'ils sont deux à être devant. Évidemment, il y a plein d'autres personnages derrière, mais voilà, ce sont deux qui vivent une aventure ensemble sur les routes de la Bretagne, malgré eux. Finalement. Et le deuxième, après la deuxième moitié du livre à peu près, il se trouve dans un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'il est là sur la route en train de regarder un tas de panneaux qui passent, souvent celui de Brest qui revient, etc. C'est marrant, mais tu vois, rien que la description du titre et la façon comme tu t'es emparé de Plomodienne pour l'utiliser, ça me fait penser à ce passage de bouquin où on cavale. Après avoir laissé Yannick à un moment donné. Tu vas tout en bon longtemps, on ne se souvient plus de l'histoire. Je suis parti sur un autre bouquin. Ouais, c'est-à-dire, ouais. Un peu, ah ouais, t'es déjà sur une écriture là. Sur un assez gros truc. Ouais, quel thème? Bah, c'est noir aussi, mais là, c'est plus une imbrication de plein de choses. Là, il y a plus des connotations, on va dire, sociopolitiques, économiques, de tout ça. Donc, c'est une sorte de thriller. Enfin, l'espèce de truc un peu démentiel. Je ne sais pas où ça va arriver, encore une histoire, si ça va se finir. Donc, je suis en train de boutiquer ça. Mais je ne vois pas exactement quel passage. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans le livre, Pluton, en deuxième partie vers la fin, hein, si j'ose dire, où il y a un truc qui se passe, qui est assez... À mon sens, si on reste sur la connotation hollywoodienne ou cinématographique, assez Tarantino sur les bords. Oui, parce que j'aime bien Tarantino. J'aime bien le côté décalé, de toute façon, des personnages. Il y a des sortes de... En fait, les deux personnes sont décalées, se trouve dégradé, quoi. Il y en a une, c'est naturellement parce qu'il est SDF, donc il est au fond du trou, et l'autre se retrouve par la force des choses au fond du trou, justement, comme sa femme le lâche, le club l'a relégué, l'a viré, il se retrouve relégué dans un club de 4e division anglaise, il sait même pas s'il sera payé, on lui demande de l'argent, la société de pub qui l'embauchait n'en veut plus. Voilà, c'est donc, ça, parce qu'il y a toutes les questions. Tout lui tombe sur la gueule à ce moment-là, donc il s'épouille où il est, quoi. Il a le seul appui qu'il trouve, c'est un SDF justement qui à la limite qui est plus qui est plus costaud que lui à ce moment-là, qui est plus, enfin bon, costaud. Bah, qui a vécu en dehors d'un système, d'un environnement, quoi. Enfin, le truc, donc, qui lui montre que le monde n'est pas tapé dans un ballon et gagner des coupes et tout ça, que c'est beaucoup plus tendu que ça, quoi. Partagé, tendu. Bah, dans leur cas, en tout cas, c'est de la tension. Après, ils vont partir sur la route, mais c'est toujours parce qu'ils ont, un problème dans le coffre. Ils ont un gros problème dans le coffre de la voiture. Et il faut quand même s'en débarrasser de ce problème. Or, il y a d'autres qui ont déjà compris que le problème, il est là, notamment la police, la femme de type qui se met quand même à chercher. Il y a une enquête qui s'installe. Il y a un suivi, il y a une plainte, il y a tout ça. Donc c'est un petit peu une cavale qui s'organise. Et puis un maillage du territoire par la police, parce qu'on commence à les repérer, les deux pignoufs dans leur voiture, leur Porsche rouge en plus. Pas du dernier modèle. Moi, il y a une question qui me taraude. Vas-y, Thierry. Il y a une question qui me taraude. J'ai pas lu le bouquin, j'ai juste lu le résumé. Hein, mais je pense que je vais l'acheter, je vais me faire plaisir. Mais Yannick, ça serait pas, par exemple, un joueur existant, un certain Yann M, jouant en Russie, qui a eu des déboires avec le Stade Rennais, qui était. C'est un petit peu comme je disais tout à l'heure à Juliana. Moi, ça me parle vraiment. Une sorte d'inspiration. Voilà, tout comme à fait. Ça, ouais. Ou quelque chose d'inconscient. Je sais qu'il y avait eu des histoires à l'époque au Stade Rennais avec Sylvain Wiltord aussi. Il y avait toute une génération où ils finissaient en boîte, où ils faisaient les cacous en boîte. Voilà, avec leur petites, caisse, petites leur affaires avec la police. Et c'est pas si loin que ça, parce que j'ai mon neveu qui m'a dit, il y a encore un ou deux ans, je crois, lui, il allait dans une boîte le soir, il avait vu un mec du Stade Rennais, avec des nanas, des bidules, donc ça pétait un petit peu. Ouais. Et c'est un passage du livre, faut le dire. Alors, on n'est pas dans la boîte de nuit. C'est pas Yann M. Villa, ou c'est pas. C'est un personnage autre, d'ailleurs, il est apatride. Enfin, il a été adopté par une famille brestoise. Il a joué au foot tout jeune. Il est noir. Mais en même temps, il est perdu parce qu'il a tout ce qui s'effondre un petit peu autour de lui. Mais il y a une sorte de recherche de racines. Il n'est pas tout à fait construit, aussi. Quoi. Voilà, il n'est pas complètement construit. Il n'est pas fini. Et puis il a ce truc d'être sensible sur certains sujets, le sujet religieux, le sujet de ses origines. Par moment, il a des retours un peu bizarres. Jusqu'au pétage de plomb, justement, par rapport à la maman, quoi. Oui, bah là après ça part. Après il veut se rapprocher. En fait, l'endroit où il va pour se réfugier quand ça va pas bien, c'est un petit peu chez sa mère, sa mère d'adoption, qui habite dans le Finistère, donc sur la presqu'île de Crozon. Et en fait, tout va un petit peu s'agglomérer par là, quoi. Ça va s'empiler. Donc ça va virer un petit peu au délirium. Je crois qu'à un moment ça vire un petit peu au délire, mais tout s'agglutine autour des personnages et dans ce qu'ils vivent et l'enquête aussi qui suit derrière et qui voilà. Alors, quand on a déjà lu des choses de Stéphane Grangier, on voit très bien que le style choisi pour écrire ce livre et les mots, un peu la vulgarité qui peut ressortir ou quoi. Le manque aussi par moment de jugeote, je reviens sur la vulgarité, je préfère grossièreté quand même. Grossièreté, bon, si voilà, tu veux bien, d'accord. Le monsieur de place publique, la grossièreté, la vulgarité non, parce que c'est souvent lié au... La vulgarité, ça peut être, je sais pas, ça manque de classe. Enfin, tout à fait. Non, c'est vrai que non, je ne voulais pas. Crudité, c'est vrai. Je n'étais pas juste. Tout à fait. Je n'étais pas juste. Même si, il faut le dire quand même, il y a cette fameuse scène de S-E-X. Là, on sent un peu de la vulgarité. Il n'y a pas Zaya dans le bouquin. Au fur et à mesure, ils se retrouvent tous les deux. Ils se retiennent l'un l'autre. Hein, parce que je crois que Yannick, dès qu'il a bu un coup de trop ou des trucs, ça devient un drame en discothèque. Donc, ils partent dans les trucs. Ils essayent toujours de finalement, à revenir à la mission première, c'est toujours se débarrasser de ce cadavre qui remonte, qui revient à la surface, pire comme un aveu, quoi, en fait, de ce qu'ils sont. Et c'est vrai qu'ils se retrouvent, ils rencontrent des gens sur leur passage, et bon, quelquefois, c'est des gens qui sont aussi décalés ou très décalés. C'est un petit peu ce qu'on retrouve quelquefois chez les gens qui sont à la rue ou qui sont pas bien ou dans les profondeurs, quoi. Il y a une faiblesse affective qui fait qu'on s'agglutine tout de suite au premier venu, au premier loser venu aussi, quoi. Donc, du coup, ça voilà. Ouais, c'est vrai que Yannick, qui a le personnage personnage, donc le footballeur, quand on le sort de contexte de son système et de son environnement footballistique, et là c'est le cas dans le livre, il devient tout de suite un loser, quoi. C'est pas, oui. Voilà. Mais oui, il n'a plus rien. C'est plus un winner, dit tout. Il avait cette réussite-là, enfin cette croyance à la réussite, de tout ce qui avait fondé en fait sa vie. Et c'est comme si bah, il avait plus de repères du tout, quoi. Mmh. Et c'est là que tout lui tombe sur la gueule, quoi. Mmh. Donc il est encore plus fragile et encore plus intenable, quoi, en même temps, quoi. Et justement, alors, pour venir sur la grossièreté, alors on va rester sur la grossièreté et sur cette scène qui se passe plus ou moins dans un véhicule, enfin bref, il y a quand même. Mais on va dire c'est pornographique, quoi. C'est on très pornographique. Oui, c'est cul, complètement pornographique. Moi, je crois qu'avec 12 grammes dans chaque poche, comme on dit, on peut faire n'importe quoi. Ça chauffe, hein, et, ça, oui, ça donne un coup de chauffe dans le bouquin, quoi. Ouais. C'est des rencontres comme ça qui mènent au. Mais alors, c'est là que je rejoins, bon, en restant humble par rapport à bah, Las Vegas Parano, ouais. Des choses comme ça. C'est ce délire-là qui va aller mener vers les trucs les plus délirants. Sexe, drogue et football. T'es dans une mécanique qui est de toute façon voilà. Alors tu suis. Ils vont même se promener au bord de mer avec un transsexuel tahitien et une infirmière psychiatrique et un monsieur au chômage qui est amoureux de ce transsexuel tahitien. Enfin voilà. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose. Enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose d'humain quand même, quoi. De leur trouver des points de. Enfin, voilà, il y a la vie quand même, quoi. Il y a quelque part, il y a de l'amour, quoi, entre ces personnages. Mais même si c'est complètement troublé et délirant, il y a une sorte d'attachement. Et le personnage principal, justement, le Michael, tombe amoureux même à un moment, quoi. Ouais, totalement. Presque tombe amoureux, mais est-ce que c'est son désarroi total qui fait qu'il tombe amoureux ou, C'est vrai. Alors, il se révèle tout de même vers la fin du bouquin de quelqu'un pas si calculateur qu'on aurait pu imaginer au début, quoi. Bah, c'est toujours dans la même mouture, quoi. Il est perdu. C'est quelqu'un de la rue. Il est calculateur par moment. D'autres moments, il a ce côté. Bah, finalement, ça devient un ami, quoi. Ce genre de foot complètement qui pète un câble, quoi. Un moment qui pète vraiment un câble, quoi. Qui devient même méchant, qui devient un peu intenable. Donc, mais en fait, il est presque le seul à pouvoir le calmer, le comprendre. Voilà. Donc, il y a une sorte d'amitié qui se crée, qui s'est créée entre eux. Durant un laps de temps assez limité, bien entendu, parce qu'il s'agit d'une cavale tout de même, qui vivent ensemble. Donc, on est en train de parler de Hollywood Plomodierne. Ouais. De Stéphane Grangier, donc, paru dans la collection Guater Noir. Le prochain bouquin, il va sortir quand, en fait? Oh, je sais pas. Tu sais pas, t'es là. Je suis dans les plans, là. Celui-ci, il t'a pris combien de temps? Il m'a pris 8 mois. 8 mois à peu près, ouais. Mais je voulais faire un livre assez léger, en fait. Je voulais quelque chose de léger. Il est. Je voulais quelque chose où l'histoire soit légère. Oui. Où le thème soit léger. Le football, c'est quelque chose de très léger. Enfin, c'est pas le thème principal du livre, mais c'est assez léger. Avec des personnages lourds. C'est ça, peut-être ça qui me plaisait. Là, c'est plus. Je suis sur un autre projet qui est beaucoup plus. Qui est plus compliqué, quoi. Qui est plus. Autre, enfin, c'est d'autres choses. Et c'est quoi alors ce fait de passer un peu de coq à l'âne comme ça dans son écriture, ou dans son approche, ou dans ses choix J'ai de toute façon des goûts très disparates. Ouais. Je peux passer à la littérature noire, au roman noir, comme au roman classique. Donc j'ai un goût pour. C'est vrai que j'ai découvert les auteurs noirs avec Jean-Bernard Puy, avec Manchette, avec Frédéric Dard, que j'adorais, mais j'adorais pour la truculence du langage, justement. Et souvent, justement, il a été taxé souvent de grossièreté ou de vulgarité. Et je trouvais qu'au contraire, c'était une richesse de langage, quoi. J'aime bien inventer des mots, partir sur des trucs comme ça. Bon, après tout, en restant humble vis-à-vis de ces auteurs-là, quoi. Ouais. Non, mais c'est bien cool tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vous conseille vivement cet été, voilà, après la Coupe du Monde, justement, si jamais vous aimez le foot, ou si ce n'est absolument pas le cas, parce que de toute manière, le livre ne traite pas de foot, c'est juste qu'un des principaux personnages, il fait du foot, hein. Et ça se passe donc ici en Bretagne, à Rennes, Aureux, dans le Finistère. Ça passe par Saint-Guildo, ça passe par Dinan, ça passe par les Monts d'Arrée, ça traverse les Monts d'Arrée, ça va jusqu'au Finistère. En fait. Ouais, donc on voyage pas mal. Donc si vous êtes en vacances, notamment sur le sable breton, je vous conseille, parce que c'est très léger et très abordable, un peu grossier, ça va vous faire marrer en fait. C'est Hollywood Plomodierne. Oh, je vais m'en sortir avec la bière en plus, ça s'arrange pas. De Stéphane Grangier. Donc en fait, du coup, toi Thierry, avec tout ça, tu nous as entendu, nous, ta pizza, elle nous fait envie, on la consomme tout de suite, elle est très bonne, je pense que Stéphane ne va pas dire le contraire. La bière, la bière, elle est superbe, donc ouais, tu veux bien, si tu veux bien, il faut quand même qu'on invite cette brasseuse à venir à l'antenne de Canal B à la rentrée. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on vient de raconter avec Stéphane? Moi, j'aime beaucoup parce que, tu vois, on était invités, on ne se connaissait pas, on ne s'est jamais rencontrés. Déjà, point commun, on est tous les deux Quimpérois. Donc c'est assez rigolo. Et moi j'aime beaucoup aussi l'humour noir. J'aime beaucoup, moi je suis assez polar, assez policier en ce moment là. J'aime beaucoup, moi je pars plus un peu sur l'ésotérisme. J'aime beaucoup les francs-maçons et choses comme ça. Mais toujours des enquêtes, de l'humour, un peu du décalage. Et je retrouve un peu tout ça dans ce qu'est narré là. Donc je pense que je vais filer aller l'acheter en librairie là. Et on se reverra, tu me dédicaceras. Mais voilà, ça parle de foot, de meurtre, de sexe, de belles rencontres, donc tout ça, ça me parle forcément. Donc je trouve ça vraiment, vraiment génial, ça a l'air d'être un super livre, Stéphane. Merci. Et voilà comment on découvre l'autre facette du chef. Donc Julie, est-ce que toi tu lis des bouquins? Qu'est-ce que tu lis comme livre, toi? La fée clochette. Oh, c'est formidable. Ça me donne envie de vous mettre une musique, du coup. Allez, une musique d'ailleurs qui parle justement de crime. Tiens, ouais, ça s'appelle Devant le crime. C'est de João Bosco. C'est encore de la musique brésilienne. On va revenir dans un instant. Et je vous pose une colle, monsieur. Je veux le score de la finale de la Coupe du Monde. Tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de gol. Em vez de reza uma praga de alguém e um silêncio servido de amém. O bar mais perto depressa lotou. Malandro junto com um trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar e fez discurso pra vereador. Veio camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão. Em vez de rosto, uma foto de um gol. Em vez de reza, uma praga de alguém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, veio o camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã, baixou o santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. E então, tá lá o corpo estendido no chão. Et ben voilà, on termine cette émission avec un coup de samba. Ça sera le cas d'ailleurs pour le tout dernier morceau de nouveau que je vais passer, j'espère. En tout cas, je suis en train de la chercher là. Ça va être du Seu Jorge. Là, c'était de João Bosco. Eh bien, nous étions à l'antenne de Canal B, bientôt 14h. On a encore un peu le temps, tiens donc. Je suis un peu pressée, c'est n'importe quoi. Je pense que les montres là sont pas tout à fait à l'heure de tous les côtés. En tout cas, j'ai encore le temps, tiens. Il y a encore quelques minutes, heureusement, pour que je vous dise, ça y est. mais allez-y. C'est paru donc la collection de Guater Noir, Hollywood, Plomodierne. Stéphane Grangier, donc nous sommes à l'antenne en train de commenter ce livre. On a fait d'ailleurs, on l'a fait en long et en large, on a dit pas mal de choses. Oui. Je sais pas si les auteurs ils sont contents qu'on dise autant comme ça des livres. Bah après, il faut éviter de dévoiler peut-être trop les choses, mais je pense pas. Je pense que c'est juste un éclairage après pour. Voilà. Ouais, ça va, c'est pas... Parce que le livre vit lui-même, les personnages vivent lui-même, donc après, c'est, voilà. Ouais. C'est mystère. C'est mystère. Eh bien, Thierry, nous étions tout à l'heure en train de dire également que, voilà, on a fait notre émission pizza, bière foot. Foot, avec en plus le... ce dévoilement du polar de Stéphane Grangier. Est-ce qu'on peut passer maintenant au mode Coupe du Monde pour terminer cette émission, puisque c'était vraiment la thématique de ta pizza ce midi. Ouais. D'ailleurs, je te remercie de jouer le jeu, hein, parce que je sais très bien que voilà, tu cuisines ailleurs des choses différentes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire de demander au chef de faire une pizza éventuellement. Non, de toute façon, ce n'est pas gênant, évidemment. Tout le monde aime la pizza, n'est-ce pas? Oui, bah oui, puis quand tu dis, voilà, quand tu dis foot et bière, bah forcément c'est pizza aussi. Donc non, le thème était vraiment bien choisi. Et moi, ça m'a permis de me creuser un petit peu la tête et de me faire plaisir là, de partir un peu en vrille dans des saveurs vraiment différentes. Et non, je suis très bonne idée. Et le résultat est plutôt concluant. Donc ouais, c'est plutôt concluant. Ouais. Justement, et le résultat de dimanche. Alors le résultat, moi je nous vois bien l'Argentine être croquée comme la France. Je vais dire 1-0 pour l'Allemagne. Ça va être serré. Ça m'étonnerait qu'il y ait une pluie de buts, mais bon, allez, 1-0 pour les Allemands. Ouais, t'aimes le foot, toi, Thierry? Ah, moi, je suis Stade Rennais, même si c'est l'année dernière, c'était pas terrible, mais le foot français, étranger, j'ai baigné, j'ai grandi là-dedans et j'adore ça, ouais. Et ça ne te donne pas un peu, comment dire... tu n'es pas un peu dégoûté justement puisque la France s'est fait éliminer par l'Allemagne et ça ne serait pas tout naturel qu'il doit être plutôt du côté des Argentins? Non, parce que l'Allemagne a fait une magnifique Coupe du Monde pour l'instant, que ce soit contre nous ou contre d'autres. Ils sont solides, ils ont marqué énormément de buts, ils jouent vraiment en collectif. Il y a quelques stars, mais c'est vraiment le collectif qui prime. Et bon, voilà, ils nous ont battus, donc ça serait beau aussi d'avoir perdu contre les champions du monde. Mais non, je les vois vraiment aller au bout, même si l'Argentine, c'est une belle équipe aussi, hein, avec Messi, Di Maria et Palacios et d'autres. Mais je vois vraiment l'Allemagne au-dessus. Hein. Après, peu importe Europe ou Amérique latine, il n'y a pas de souci. Je pense qu'ils sont au-dessus. Bah, après, voilà. Hein, c'est le temps d'un match, hein, c'est le terrain qui parle, donc on verra bien dimanche soir. Voilà, pizza décalée, toqué décalé, voilà. Le toqué à la maison et Stéphane Grangier, un bouquin décalé également, donc pronostic. Alors la raison dirait 3-0 pour l'Allemagne, parce qu'ils sont assez impressionnants et je vois pas comment ils pourraient flancher ou comment on pourrait les battre. Mais le cœur dit 2-1 pour l'Argentine, parce que le football sud-américain, bon, suivant un petit peu la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est un foot assez, c'est généreux, quoi. C'est un jeu généreux, vivant, un peu fou, qui peut prendre beaucoup de buts par moment. Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, qui est très réjouissant, quoi. Donc voilà. Donc c'est le plaisir du jeu. Donc j'ai un petit côté, je dirais peut-être pour l'Argentine, quoi. Mon cœur dirait pour l'Argentine 2-1. Allez. 2-1, bon, je serai plutôt de cet avis aussi. Je vais dire 3-2 pour ne pas faire la même, ah, peut-être en prolongation. Ça, hein, ça fait ah, bah écoute, il faut toujours rêver. Hein. De toute façon. Ouais, et comme on parle prono, moi je fais un petit clin d'œil à François, c'était Madame Irma du Mondial. Elle a trouvé tous les vainqueurs, sauf la dernière demi contre Argentine, Pays-Bas. Et les fans de l'En Avant de Guingamp, hein, donc je lui fais une petite dédicace, moi qui suis pro-Rennais. Donc François, si tu m'écoutes, c'est pour toi ce petit message. À très bientôt. Super. Et toi, Julie, alors qui c'est qui va gagner? Argentine. Bravo, ma belle. Bon, merci beaucoup et très bel été à tous. Merci pour l'accueil, hein, toujours très chaleureux. Merci beaucoup. À très bientôt sur l'antenne de Canal B. Ça y est, vous allez continuer. Il y a de tomber de la nuit ce soir avec Yann et avec Paco en direct de l'AIE. C'est bien ça, chef? Mon chef, il est derrière. Allez, c'est à 17h que ça se passe. Je vous laisse. Allez, bisous, bye. Para todas as Carolinas do Brasil.